Si vous êtes resté libre, si Don Pedro a regagné ses appartements au palais pour n'y être plus que consigné, c'est parce que je croyais tenir l'évêque de Guarda. Et voici qu'il m'échappe. Le nonce me fait dire par Don Alvar que le pape accueillerait comme un outrage que je sévisse contre l'évêque. Le pape ne donnera pas l'annulation, c'est sûr. Je suis comme un lion tombé dans une trappe. Je puis mordre, bondir, rugir, en vain. Vous êtes lié à Don Pedro. Et ce lien ne peut être brisé que par la mort du pape et des dispositions différentes de son successeur à mon égard. Oh, je suis fatigué de cette situation. Je voudrais qu'elle prenne une autre forme. J'ai l'habitude que les grandes affaires se règlent aisément et vite, et les petites avec mille tracas et d'un cours interminable. Celle-ci est grande et tracassante. Et je suis fatigué de vous, de votre existence. Fatigué de vous vouloir du bien. Fatigué de vouloir vous sauver. Ah, pourquoi existez-vous? Enrageant obstacle que celui des êtres. Un fleuve, une montagne, on comprend, on accepte. Mais une pauvre chose molle de chair et de nerfs et qui se tient droit on ne sait comment. Allons, tout ce que j'ai fait est détruit, j'ai puisé avec un crible. Et c'est vrai, pourquoi ce que j'ai fait subsisterait-il, puisque moi, depuis longtemps, je ne subsiste plus. L'arc de mon intelligence s'est détendu. Ce que j'ai écrit, je demande de qui est-ce. Ce que j'avais compris, j'ai cessé de le comprendre, et ce que j'avais appris, je l'ai oublié. Je meurs, et il me semble que tout est à faire, que j'en suis au même point où j'étais à 20 ans. Mes mains sont ouvertes, tout m'a fui. J'ai joué de la flûte pour l'amour de Dieu.